إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، ما البابان اللذان يأخذناهما؟ أولا ما يتعلق بالذين قبل هذا، هذا هو الثاني. الأول سكوا لكم يد الدباب. إذا أن موفس وصل لقاد الله سبحانه وتعالى. نعم. بس كلا يفاء. يبقى الحكمة ذاير. وكذا وكذا. سجمال. وصلا رجيا. أسبوزه التوحيد. وهذا ينافي الإيمان بصفات الله واسمائه، ومن هذه الصفات الحكمة مثلا والعدل وغير ذلك. والذي بعده الباب، باب ما جاء فيه منكر القدر. نعم، سكي هوني لدستان. تذكرنا مراتب القدر؟ العلم، ثم العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة. أيوة. والخلق. الخلق. أحسنت. Est-ce qu'il est possible qu'il se passe une chose dans le moulk d'Allah qui n'est pas voulu؟ لا. هذا c'est impossible. Et est-ce que tout ce qui arrive, Allah il aime؟ لا. Il veut une chose mais. Après, ça revient dans la différence entre le Mashi'a et l'Irada. Et ça, Inch'Allah, on le prendra dans Tadmouriya, Inch'Allah Ta'ala, plus en détail. On a déjà parlé dans le Ders de Usul al-Iman de Cheikh Othaymin. Taïb. Qala al-Mu'allif, Rahimallahu Ta'ala, Bab Maja'a fil Musawwirin. Maja'a fil Musawwirin. Ce qui est venu à propos de ceux qui façonnent des images ou des représentations. Et ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité, sur lequel on conseille énormément les gens de la Umma, qui est le Taswir, Taswir Zawat al-Arwah. Et là, le chef va en parler, que c'est un lien avec le Tawhid, à la base. Qala al-Sharih, yuridu al-mu'allifu min hadha al-bab bayan an al-Taswir من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتغرض فعله لغضب الله والنار وتنقص إيمانهم وتضعفهم. Donc là, le mu'allif, il a voulu quoi, par ce chapitre, démontrer que le taswir fait partie des grands péchés, des choses qui entachent le tawhid et qui exposent celui qui l'accomplit à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et réduit de sa foi et l'affaiblit. Un musawwir, c'est le isme fa'il du verbe sawwara yusawwiru. Et sawwara yusawwiru, en arabe, c'est le fait de confectionner, donner une forme à quelque chose. Donner forme à quelque chose. Que ce soit, comme ça l'a expliqué, bidimensionnel ou tridimensionnel. Donc tout ce qui rentre dans la confection d'image, ça s'appelle un musawwir. S'appelle une sourah. Après, le tafsir de ce qui est haram, ce qui est permis, va être cité là, et c'est une masala qui est connue à la base. قال يعني الشيخ بن باز والمصورون هم الذين يداهئون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة إذا كان مصور من ذوي الأرواح. Donc c'est quoi le musawwir? Ce sont ceux qui cherchent à ressembler à Allah dans la création, dans la confection d'êtres vivants, que ce soit par la main, comme ils le disent, ou alors par les outils, les instruments. C'est-à-dire à la main, comme le fait de dessiner avec ta main, ou de faire une statue avec ta main, ou par les outils, que ce soit avec une caméra, un appareil photo, ou autre, parmi les choses qui font des images. Ou même les sculptures avec des appareils. Donc quand tu représentes un être doté d'âme, un être doté d'âme, comme tout ce qui est être vivant, comme les animaux et les êtres vivants et les êtres humains, je veux dire. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là c'est dans le matn, j'ai oublié de dire parce que le moulaf il a dit, qala Allah ta'ala, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sha'ira akhrajah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que Allah, dans le sens, il a dit, hadith Qudsi, qui donc est plus injuste que celui qui tente de créer comme ma création. Alors qu'il crée, Zarra, ça peut être une fourmi, comme ça peut être un grain de maïs. Et Cheikh Ben Baz, lui, il le voit comme étant une fourmi, là, dans ce hadith. Ou alors qu'il crée une graine. Ou alors qu'il crée un sha'ira, c'est sha'ir. L'orge. Ouais, je pense que ça, c'est l'orge. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te met au défi de créer ne serait-ce que cela. Lorsqu'il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى كَذَا, et qui donc est plus injuste que celui qui fait telle et telle chose. Il y a plusieurs versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala yakul فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَفَلْ كَذَا وَكَذَا. Donc les gens disent comment? Il y a plus injuste, il y a plusieurs versets dans différents abouab. Cheikh Al-Famin dit, parmi les explications, man azlamu, qui est plus injuste, chacun dans son domaine. Par exemple, dans le Taswir, dans ceux qui cherchent, masalan, à imiter la création d'Allah, les plus injustes, ce sont les Musawwirun. Dans tel verset, les plus injustes sont ceux qui, masalan, font telle et telle chose. Vous voyez, alors, c'est un truc nisbi, relatif. Et c'est d'autres faits que j'ai oubliés sur le moment. Donc ça, c'est une chose pour faire quoi? Mettre en garde les gens de ce genre d'action. C'est parmi les kaba'ir. Car Allah te dit, qui est plus injuste que celui qui fait cela? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala met au défi les musawwirin, dit, si vous faites telle chose, alors faites-moi une fourmi. Vous le saurez le faire. Faites-moi, ne serait-ce qu'une graine, petite graine d'une plante, vous le sauriez le faire. On va dire que cette chose-là, c'est du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne revient qu'à lui. Ne serait-ce même qu'une aile de mouche ou de moustique. Saurait-il la reproduire? Il saurait le faire. Il saurait le faire. Alors que dire de faire des animaux ou des êtres humains? Qu'en est-il? ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما يعني بخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهئون بخلق الله. Il a dit صلى الله عليه وسلم, les gens qui auront le plus dur de châtiment le jour de la résurrection sont ceux qui cherchent à ressembler à Allah dans la création, le fait de créer. Ils veulent concurrencer avec Allah et eux-mêmes créer quelque chose. Donc là, ça démontre que cela est un grand péché. Quand même. Et le fait même de faire du taswir, comme le dit l'imam al-Nawawi, en vue d'adorer ce que tu as façonné, ça c'est du kouf. Par exemple, tu fais une statue pour l'adorer par la suite. Ça c'est pire encore. Parce que tu as des gens, ils font des statues, leur but c'est pas d'adorer. Ils font des dessins, des images, leur but c'est pas d'adorer. Mais c'est un péché, c'est une chose que Allah il a interdit. Même si ta niya c'est pas cela, ne le fais pas. Et si après tu as su la chose et tu continues, alors on dit que t'as niya fi haché. Donc là, à quel moment c'est arrivé? C'est que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il a vu un rideau sur lequel il y avait des images. Je crois que c'était des oiseaux. Et il s'est mis en colère quand il a vu ça. Et Aïcha, elle a dit tout de suite, elle a vu qu'il était en colère, elle a dit astaghfirullah wa atubu ilayh. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a montré les rideaux. Il laisse le hadith. Il les a arrachés. D'accord? Il les a arrachés tout de suite. Et après, il a dit que les gens qui ont le plus dur des châtiments, yom al-qiyama, ceux qui font ces images, car ils cherchent à quoi? À tenter de créer comme Allah le fait. Donc après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses bouts de tissu, ils en ont fait des oreillers. Comme cela va le citer par la suite. Donc des gens peuvent te dire, moi, quand je fais une image, je ne cherche pas à ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel hasha wa quel. On dit naam. Ça, tu n'as pas voulu, mais ce que tu fais là, c'est un acte que Allah a jugé comme entrant dans ce fait là, que tu l'aies voulu ou non. Donc ne le fais pas. C'est comme le hadith sur le izar, le thawb, tahta al-ka'b, qui dépasse Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi a dit ça, c'est de l'orgueil. Les gens disent, moi je ne fais pas par orgueil. Le fait que tu le fasses, on te dit que c'est de l'orgueil. Donc, toi, tu veux être considéré comme étant orgueilleux, tu veux dire non, ne le fais pas. T'as des gens, pour de vrai, quand ils le font, c'est pour eux, c'est normal. C'est pas du kib. Mais on nous dit que ça, c'est jugé dans l'islam comme étant de l'orgueil. ثم قال ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. Toujours selon Bukhari Muslim, selon Ibn Abbas, qui l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout moussawwir, façonneur d'image ou de représentation, il sera au feu. Et on lui donnera pour chaque image qu'il aura fait une âme par laquelle il sera châtié dans le feu de l'enfer. Donc tout cela te montre la gravité de ce péché. À ne pas prendre la légère. Après, le chi'a dit que les ulama sont unanimes sur l'interdiction du taswir de ce qu'il y a du zil, ce qu'on appelle le zil qui a une ombre, comme les statuettes. D'accord ? Les statuettes, il y a unanimité que c'est haram. Après, il y en a, ils ont fait un tafsil entre ce qu'il y a du zil et ce qu'il n'en a pas. Il y en a qui disent qu'il n'a pas de zil, la baisse habille. Et Cheikh Ibn Baz, il cite bien que cela, ce tafsil-là, il n'a pas de dalil. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur les rideaux qu'il a arrachés chez Aïcha, c'était des images, c'était pas des figurines. Il les a arrachés. Lorsqu'il entre dans la Kaaba, qu'il avait des images de Ibrahim alayhi salam, de Mariam, de Isa, il les a effacées. C'était pas des figurines. Et il a pas fait cela dans la Kaaba tant que les images étaient présentes. C'était pas des figurines. Il n'y a pas de zil, il n'y a pas d'ombre. Donc ce tafsil, il est batil, il n'existe pas. Tout ce qu'on appelle soura, ça rentre dedans. Confectionné par l'homme. ثم قال فالواجب الحذر من هذا وأن يبتعد المؤمن عن هذه المحرمات يجب إزالتها وإتلافها وتمسها. Donc il a dit ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est de prendre garde et qu'il s'éloigne de ses péchés, de ces choses interdites, et qu'il est obligatoire d'enlever ces images, de les supprimer, de les effacer. Comment on fait pour effacer ces images-là? Tu coupes la tête, comme cela vient dans le hadith, hatta yakun ala hayat shajara, qui prennent la forme d'un arbre. C'est pas tu fais un trait en dessous comme des gens les font, tu effaces les yeux et le nez. C'est tu coupes la tête, vers la tête, elle doit être effacée. Car déjà, fi hadith an Abbas, as-sura hiya ar-ras. L'image, c'est la tête. Donc enlever les yeux et le nez, la tête est toujours là. Faire un trait pour dire j'ai coupé, la tête est toujours là. Ce qui est demandé, c'est d'effacer la tête totalement. C'est ça qui est le matloub. Quand tu as une image chez toi ou une statue chez toi, pour la rendre licite, c'est couper la tête. Donc les autres qui font d'autres autre choses n'ont pas de dalil dans ce qu'ils font. As-sura hiya ar-ras. L'image, la sura, ce qui est interdit, c'est la tête. Qala wa lahuma anhum marfu'an man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui aura fait une image en cette dunya, on lui imposera de souffler dedans le ruh de la vie, le rang de la vie, et ne pourra le faire. Le hadith est de muttafaqun alayh. Thumma qal wa li muslim an abi al-hayyaj qala qala li ali radiyallahu anhu ألا أبحثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلى تمستها ولا قبرا مشرفا إلى سويته. Qui l'a dit? Alexandre. Qui l'a dit? Que Ali a dit, ne vais-je pas t'envoyer sur ce quoi m'a envoyé le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, ne laisse aucune image sans que tu ne l'effaces. Ne laisse aucune image sans que tu ne l'effaces. Et ne laisse aucune tombe élevée sans que tu n'aplanisses. On a déjà parlé de ça la dernière fois, que là c'est surah fi siyaq an-nafi tufidu al-umum. Là, c'est surah, c'est un mot qui est indéfini. Dans une phrase négative, c'est-à-dire toute surah. Mais c'est quelle surah? Surat Zat et Ruh, qu'on appelle surat Zat et Arwah. Les images d'être doté d'âme, comme les animaux et les êtres humains. Aïwa. Zat, à la base, le singulier, c'est Zat Ruh. Ou le jam, c'est Zawat et Arwah. Celles qui ont des âmes. Et le shir dit qu'on a un nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-bina al-kubur l'yannou min wasail al-shirk wa kazalik al-suwar min wasail al-shirk wa innama waqa al-shirk fi qawmi nuhin bi sabab hadhihi al-suwar. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire les tombes, c'est-à-dire de les élever ou quoi, car cela est un moyen qui mène au shirk. Il a dit également que le suwar est un moyen qui mène au shirk, comme ce fut le cas du peuple de Nuh si on bâtit notre cour sur l'affaire d'Ibn Abbas. Donc le taswir, نتعجب من السلفيين qui disent التوحيد نضول التوحيد et qui laissent ces images passer. On dit le taswir, c'est parmi les causes du wuku dans le shirk. Après, il dit maintenant ce qui concerne en cette époque ce qu'on a comme image, comme les papiers d'identité, passeport, carte d'identité, carte de travail, toutes ces choses, permis de conduire et tout. Il a dit ça, c'est une daroura qui nous a été imposée par les gouvernements. Donc ça, c'est pas que c'est permis, mais comme ça nous était imposé qu'on ne veut pas nous-mêmes, on ne peut vivre aujourd'hui sans ces choses-là, il n'y a pas d'isme sur nous. Et le isme, il est sur qui? Comme dit Cheikh Moukbil, sur le gouvernement qui t'a imposé cela. Ceux qui prennent le péché, toi, tu n'as pas de péché. Mais quand tu fais tes photos pour tes papiers, tu dois être carré, tu n'aimes pas ça. Pas tu viens, tu te poses, tu fais un grand sourire, par exemple pour la photo de ton passeport. Non, tu n'aimes pas ça. Tu fais ta photo, tu vois, voilà, ta photo comme ils veulent, dans les normes et tout. Et ceux qui t'ont contraint à faire cela, pour faire ton hajj, pour voyager. T'as besoin de papier. Sinon, dans les pays, sans papier, tu peux pas vivre. Donc, ces papiers-là, tu fais tes papiers et t'as pas de péché. Et on sait que les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a une image ou un calme, un chien. Également. Et quels sont ces malaïkas? C'est les malaïkas de Ar-Rahma, de la miséricorde. Yani, là, t'as trouvé les malaïkas, Beitan, fi kalb, wala sura. Mutafakun alayhi. Après, sans le khilaf, qu'il y a exception dans les images sur les choses qui sont masalen, sur lesquelles tu marches, que tu piétines. Il se sert justement du hadith de Aïcha, lorsqu'elle a pris les rideaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déchirés, on en a fait des coussins. Il a dit parce qu'après, ça a été aplani, et le nabi sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait dessus, ou ce que tu trouverais sur des tapis sur lesquels tu marches. Il a dit, voilà, m'a dit ça, c'est permis. Et le sahih, comme dit Shemokbul, c'est même ça rentre dedans. Car le hadith, La tada suratan ni leta mastaha. Aucune image. Et il dit, il n'y a aucun empêchement que Aïcha, lorsqu'elle a fait ses wisada avec les rideaux, elle a coupé la tête. Il n'y a rien qui empêche cela. Donc il a dit, toutes les suars, tu les délaisses. Maintenant, des fois, tu es envahi chez toi de suars, comme sur les couches, des choses comme ça, des fois, tu es dépassé. Tu n'as pas de péché. Mais tant que tu peux essayer d'effacer, tu effaces. Après, des fois, tu es dépassé. Tu rends des choses chez toi, il y a des journaux, des trucs, il y a des images dedans, malgré toi, c'est invivable. C'est une fitna à l'arzima. Donc là, c'est le bab qu'on apprend aujourd'hui par rapport au soir. On va apprendre les masa'il. Donc le taswir, c'est haram. Et le shir le dit, que ce soit par les vidéos, que ce soit par les appareils photo, que ce soit par le dessin, que ce soit par la sculpture. Toutes ces choses-là, ça rentre dedans le hukm wahid. Qala, fi masa'il. Al-oulaf, al-taghliz, al-shadid, fil musawwirin. La sévère menace sur les moussawirin. Al-tambih ala al-illa wa wa tark al-adab ma'a Allah li kawlihi wa man azlamu imman zahaba yakhruq ka khalqi. Et parmi la cause de cela, c'est que cela est un mauvais comportement envers Allah. Car il a dit dans le hadith Qursi, et qui donc est plus injuste que celui qui veut créer comme ma création. Donc toi, tu t'adab ma'a Allah, tu laisses ta sourire. Et même les ulama qui l'ont autorisé, ils ont fait un ishtihad, t'as pas à les imiter dans ce qu'ils ont dit. Et même Cheikh Othaymin, à la fin, lui-même, il a vu que il avait autorisé au début, après il a vu que c'était haram. Taraja'an dhalik. Et des gens disent que Cheikh Ben Baz, c'est le contraire. C'est taraja'an al-tahrim pour ce qui est du ta'lim dans la religion. Mais ça, à l'alim, parce que des ulama comme Cheikh Fouzen ou Cheikh Radir, qui étaient ses élèves, ils affirment qu'ils voient que c'est haram. Donc je ne sais pas c'est quoi le col. Et à la base, ils sont awla. Ils le connaissent, ils l'ont fréquenté. La zamou. Hum min tulabi. Parce que la fin de sa vie. Eux, ils n'importe pas qu'il soit revenu. Mais des gens ont propagé une vidéo avec sa voix dessus, dans laquelle ils diraient qu'ils voient qu'en fait c'est une daroura, le talim des gens. Donc des choses qui sont liées au djinn, comme les muhadara, ils voient qu'à la fin c'est devenu permis. Allah alam. Mais les gens, ils sont capable de faire tellement de choses maintenant que voilà. Bon, pour moi, les ulama qui étaient tout l'aide, salafis sont awsak pour moi. Leur kalem, il est plus fiable pour moi, donc je prends leur kalem. Et je reste sur le call que c'est haram même pour lui. Et ça, c'est cool que c'est sahih. Cheikh Al-Bani, pareil. Parce que des gens disent que, mathalan, lorsque c'est une daroura, de voir le mudarris lorsqu'il enseigne. Cheikh Al-Bani, rahmallahu ta'ala, il dit naam, voir le mudarris, ça a plus d'impact, ça influe plus sur la compréhension. Devant, tu es devant un professeur, il te parle. Alors qu'écouter une cassette pour loin, c'est pas pareil. Mais il a dit maintenant, demain, je te mets une vidéo d'un alim qui parle. Je coupe le son, il y a sa tête. Tu profites de quoi? De rien du tout. Et maintenant, j'enlève l'image, laisse le son. Tu profites de quoi? De sa science. Donc il dit, c'est quoi la daroura? C'est sa voix. Donc il n'y a pas de daroura dans le ta'alim. Il n'y a pas de daroura, c'est pas vrai. La discrépance, c'est sa voix ou ses kutub. Sa tête, elle va rien t'apporter. Si tu veux le voir, c'est moi qui dis ça, tu veux le voir? Ça, fier. Fais un voyage, tu vas le voir, Inch'Allah ta'ala. Comme l'ont fait les salafs. Elle m'a mettre sa vidéo, sa science ne rentrera pas plus. Il y a un qui va rentrer. Tu veux juste empêcher les malakas de rentrer chez toi. Après, il dit Athalitha, atambih ala kudratihi wa ajzihim likoulihi falyakhluku dharra ou habba ou sha'ira. Il dit, met en évidence sur lui ça, son omnipotence, qui est capable de toute chose, et qu'eux sont incapables par contre. Car il leur a dit, alors créer ne serait-ce qu'une fourmi, ou une graine, ou de l'orge. Un grain d'orge. Vous pourrez le faire. Arabia, at-tasrih bi'annahum ashadd an-nas 'adaba. Il était dit clairement que ces gens-là auront le plus dur de châtiment. Al-khamisa anna Allah yakhruqu bi'adad kull suratin nafsan yu'adhab biha al-musawwir fi al-jahannam. Que Allah créera pour chaque image façonnée, pour celui qui l'aura façonné, une âme par laquelle il sera châtié, ce façonneur. Al-sadisa annahu yukallaf an yanfukh fiha ar-ruh, qui lui imposera de souffler dedans l'âme de vie, il ne saura le faire. Al-sabi'a al-amru bitamsiha idha wujidat, qui l'ordonne de l'effacer si jamais on la trouve. Cette image, tu la vois, tu dois l'effacer. Comment tu l'effaces? Ou complètement si tu peux, ou alors la tête. Nakhudh al-bab alladhi ba'dahu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bab ma ja'a fi kathrat al-halif. Ce qui est venu au fait de beaucoup jurer, faire beaucoup de serments, dire Wallah, Wallah, Wallah. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف يقتضي إلى أشياء. Donc le mu'allif, il a voulu démontrer que le fait de beaucoup jurer, cela est une faiblesse de foi et une faiblesse dans le tawhid, et cela amène à beaucoup de mauvaises conséquences. Parmi elles, قال التساهل في ذلك وعدم المبالاة, que tu deviens laxiste et tu ne fais plus attention, tu n'arrêtes pas de jurer tout le temps. Al-Kadhib, cela va t'emmener à mentir. Zon Al-Kadhib Bihi, cela va emmener à quoi? À celui qui jure beaucoup, on pense qu'il ment. On dit pourquoi il jure tout le temps lui? Il doit mentir. Et d'autres choses. Fain kathurat aymanuhu waqa'a fil kadhib, fayanbaghi al-taqlil min dhalika wa adam al-ikthar min al-ayman, wa li hadha qala subhanahu wa ta'ala wahfadhu aymanakum. Donc il a dit le fait de beaucoup jurer, cela t'amène à tomber dans le kadhib. Donc il faut minimiser la chose. Tu jures le moins possible. D'accord? C'est pour cela que là il le dit, comme cela vient dans le matn, comme le dit le mu'allif, وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, et préservez vos serments. C'est-à-dire ne jurez pas à tout va. Ne pas jurer à tout va. Donc là, c'est un homme, c'est un ordre. وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, c'est un ordre. C'est-à-dire tu ne dois pas jurer pour rien. Ce n'est pas permis. Maintenant, tu le fais quand il y a une haja, comme Ayakoul. La salène, il y a un besoin, une shahada, ou une chose grave s'est produite, on te dément, tu jures par Allah. Ou une chose importante, tu veux montrer vraiment que c'est important, que tu es sérieux, tu jures par Allah. Vous voyez, où il y a un litige avec un tierce parti, et qu'il y a un juge, tu jures par Allah. Et on a dit quoi? Ceux qui jurent par Allah, on doit accepter de lui. Qala wa anabi Hurayra, radiallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحليف منفقة للسلعة ممحقة للكذب أخرجاه. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم, le serment pour vendre une marchandise, cela supprime le salaire. أخرجاه, annule le salaire. Et dans un love, le ribh, yani le fait de jurer, pour en tirer bénéfice. Ce que le chien cite par la suite, que cela démontre que le fait de beaucoup jurer est parmi les choses qui t'amènent à tomber dans l'erreur. C'est-à-dire que tu jures pour vendre ta marchandise. Tu dis, wallah, cette marchandise, elle est telle, c'est de Osli, c'est de l'origine, ça vient de tel pays, je l'ai acheté tant, je te dis, c'est de la bonne qualité, regarde, il te montre. Et bien, ça, dès qu'il y a un acheteur qui vient, même pas, il doute. Il dit, pardon, t'as vu sur Radio Réveil ? Il dit, wallah, c'est un Sony, c'est un vrai, je te mens pas, et l'autre, il a rien dit. Il dit, pourquoi tu jures ? Je t'ai juste l'ai regardé. Je t'ai demandé, il vient d'où ce Radio Réveil ? Il dit, ça vient du Japon, wallah, je te jure, et Kaza, il dit, je jure. Il dit, pourquoi tu jures ? Je n'ai pas douté de toi, je t'ai juste demandé d'où il vient. Donc, le fait que tu jures, on va se dire, toi, t'as un truc à te reprocher. Une simple question, je t'ai posé d'où il vient ce Radio Réveil, de quel pays, pour savoir, tout de suite à jurer. Même tu dis la vérité, tu n'as pas à le faire. Et le pire, c'est de jurer en mentant. Al-Yamin al-Ramous. Non, Al-Yamin al-Ramous, c'est-à-dire quelqu'un qui jure par Allah et il ment délibérément. Donc le chien explique, quand il dit Mumhikatun il-Kazb, Cheikh Othman il a dit soit ça rend. Ça veut dire que cet argent par lequel que tu vas tirer profit en vendant cette marchandise, c'est pas que l'argent que tu as pris il est haram, mais que Allah fera que cet argent-là va se perdre. Tu vas perdre cet argent-là. Ou par, il va se faire voler, détruire, perdre ou autre. Ça, c'est un wajj. Deuxième wajj, tu n'auras pas de baraka dedans. ثم قال المؤلف وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمت زانة وعيل مستكبر ورجل جعل الله بداعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وهذا صححه الألباني رحمه الله تعالى. Que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y en a trois à qui Allah ne parlera pas, ni ne le purifiera, et qui auront un dur châtiment. Un homme âgé qui fornique, et un pauvre orgueilleux, et un homme à qui Allah a accordé une marchandise, qui ne l'achète si ce n'est en jurant, et qui ne la vend si ce n'est en jurant. Donc le shahid du hadith, c'est la fin. Que cela parmi les grands péchés, que Allah ne parlera pas à cette personne-là. Bien que Allah parlera à tout le monde, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjumani. Qu'il n'y a aucun d'entre vous, yawm al-qiyamah, parce que Allah ne lui parle et qu'il n'aura aucun traducteur entre lui et Allah. Là, c'est quoi comme kalam? C'est un kalam qu'ils auront, ces gens-là, c'est un kalam de taubir, de réprimande, qui va leur parler à ces gens-là, mais en réprimande, et leur faire reconnaître leur péché. Sheimit, c'est un homme âgé, celui qui a des cheveux blancs. Pourquoi? Car à la base, à cet âge-là, les shahawat, elles sont moindres. Ça prouve que l'homme âgé qui fait zina est pire que le jeune qui le fait. Car à la base, l'homme âgé, il a fait sa vie. T'as vu, il a plus les désirs qu'un jeune pourrait avoir. Il a été comblé et il connaît les. Et le haïl moustakbir, pareil, le pauvre qui est moustakbir, orgueilleux. On dirait de quoi t'es orgueilleux, t'as rien du tout. Tu n'as pas de quoi être orgueilleux. Déjà, un riche orgueilleux, à la base, c'est pas permis d'être orgueilleux. Mais on dirait un riche, on pourrait voir une cause qui l'amène à cet orgueil. On voit qu'il a plein de choses et que pour les gens, il a haut rang. Donc ça, quand même, ça lui monte à la tête. Mais toi, t'as quoi? T'as rien du tout. Donc c'était pire encore. Et après, il dit, justement, le chien, c'est une règle. Quand là, هذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه. Comme dit que les ulama disent que justement démontre que le péché il s'amplifie tayyib si la cause qui y mène elle est moindre, c'est-à-dire moins tu as de causes de faire ce péché commettant, tu as encore plus de ism sur toi. Par exemple, un riche qui vole, son crime est pire qu'un pauvre qui vole. Un vieux qui fait zina est pire qu'un jeune qui fait zina. Fahim ta hada? Naam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عمران بن حسين قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم الثمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que le meilleur de ma communauté sont mon siècle, puis celui d'après, puis celui d'après. Et là, le sahabi Imran, il dit, je ne sais pas s'il a dit encore une troisième fois ou pas. Ça dit trois fois ou deux fois. Après, il a dit, après ce siècle-là, il y aura des gens qui témoignent sans qu'on nous l'aurait demandé. Et qu'ils trahissent, et qu'ils ne sont pas de confiance. Et qu'ils font des vœux, des novres, et qui ne tiennent pas leur engagement. Et chez eux apparaîtra l'obésité. Chez eux, ces gens-là apparaîtra l'obésité. Déjà, ce hadith démontre que les meilleurs des siècles, ce sont les trois premiers. Et quand il dit, il témoigne ce qu'on leur a demandé, l'interprétation de ce hadith, c'est qu'ils vont témoigner d'un témoignage mensonger. Shahadat al-Zur. Et ça, c'est pire encore, c'est parmi les plus grands des péchés. Shahadat al-Zur. Tu viens témoigner d'une chose alors qu'elle n'est pas vraie. Par exemple, tu dis, t'es témoin qu'un tel a fait ça ? Non, je témoigne. Alors que tu n'étais même pas là, tu n'as pas vu. Où tu témoignes pour un ami à toi, pour une chose, pour qu'il obtienne un haq qui ne le revient pas. Ou même s'il le revient, tu n'as pas à mentir pour qu'il l'obtienne. Ça, c'est parmi les ta'wilat de ce hadith qu'il y a. Et quand on dit Yazar Fim As-Samn, ça ne veut pas dire que personne qui est obèse est blâmée. Mais que ce sera plus fréquent par la suite chez les gens qu'à son époque. Les gens, à son époque, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, les gens étaient plus fins, plus maigres. Ils mangeaient moins. Maintenant, ce n'est pas toute personne qui est obèse qui est forcément comme ça. T'en as, c'est de nature, c'est comme ça qu'ils sont. Et t'as des gens, ils mangent beaucoup, ils restent fins. Et t'en as d'autres, c'est pas. C'est ça la cause. Ils mangent beaucoup, ils font pas beaucoup d'activité, et réalisent les cas. Pour te dire que ce n'est pas toute personne obèse, tu veux dire, khalas, lui, l'obèse, ça veut dire qu'il est comme ça et comme ça. Non. C'est un hukm qui est âme. Fakat. Thumma qal, an ibn Mas'ud. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, khayl al-Nas qarni. Thumma. الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته والحديث متفق عليه qu'il est dit صلى الله عليه وسلم les meilleurs des gens sont mon siècle puis ceux d'après puis viendront des gens dont le témoignage devancera leur serment dont le serment devancera le témoignage. Ça veut dire qu'ils vont le chien il explique que ça veut dire qu'en fait ces gens là le début c'est le même que l'autre hadith. Qu'ils jurent pour rien et facilement. Fahamt, ils jurent pour rien et facilement et se précipitent. Qui revient au hukm de ce bab, le fait de trop jurer, c'est parmi les péchés et ce n'est pas permis. C'est dans ce même-là, il n'a pas de chef. Le fait de trop jurer, c'est pas du chef. Non, mais c'est Nox et Tarvimillah. Car jurer par Allah, à la base, c'est une chose qui est importante. C'est une chose qui est importante. L'énergie, elle est haqillah, hada. قال إبراهيم شبسك سيئ النخعي كانوا يدربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Il dit que les grands nous frappaient alors que nous étions petits pour les témoignages et pour les engagements. C'est-à-dire que, comme le Cheikh explique, que les grands parmi les salafs avaient pour habitude d'éduquer leurs enfants à ne pas témoigner pour rien. Et là, il s'agit de témoignage d'enfant à enfant, en général. Car le témoignage d'un enfant, Ray le Baalir, dans un quadillet d'adulte, il n'est pas accepté à la base. Il y a un khilaf, mais le Qawl al-Sahih, c'est ça, c'est qu'il n'est pas accepté. Donc là, c'est sûrement la shahada par rapport aux enfants entre eux. Et pour ne pas également prendre l'habitude de parler pour rien. Et de jurer pour rien. Parce que les enfants, ils vous jurent beaucoup, comme tu le sais. Toute la journée, ils disent « Wallah al-Azim, Wallah al-Azim ». Tout le temps, pour rien du tout. Donc il les frappait pour pas qu'ils prennent cette habitude-là. Et également, quand ils s'engageaient une chose, ils s'y tenaient à ce qu'ils disaient. Faut pas dire je vais faire, voilà, je vais le faire, après il ne le fait pas. Et ça te démontre que frapper l'enfant était machelour chez les salafs. Ta'diban, voilà ta'diban. Tu le frappes pour l'éduquer, pas pour le châtier ou le torturer. Et pas au visage. Frappe au visage n'est pas permis et ni de façon violente. Naam. طيب ناخذ المسائل. قال الأولى الوصية بحفظ الأيمان. L'exhortation à préserver les serments, ne pas jurer pour rien. الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. Que le fait de jurer pour vendre une marchandise, cela annule la baraka dans la vente. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إبلا بيمينه. La dure menace, celui qui ni ne vend ni n'achète, ce n'est en jurant. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. Que le péché augmente si les causes qui y mènent sont moindres. Moins tu as de causes qui t'y amènent, et plus le péché, quand tu le feras, le péché que tu endosseras sera grand. Al-Khamisa, Zem al-Lazina yahlifun, walayus tahlafun. Le blâme sur ceux qui jurent alors qu'on n'aura pas demandé. Et ça, c'est âme. Des fois, tu peux avoir juré sans qu'on te le demande. Al-Sadisa, Sana'uhu sallallahu alayhi wa sallam, ala korn, al-Kurun al-Salasa, ou al-Arba'a, wa zakara, ma yahdusu ba'dahum. Il y a l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les trois siècle de vertu, les trois premiers, ou le quatrième également, puis cita ce qui se passera après eux. As-sabi'a, zammu allazina yashhadun wa la yustashhadun. De ceux qui témoignent, alors qu'on n'aura pas demandé de témoigner. As-thamina, kawn as-salaf yadribun as-sighar ala shahada wa al-ahd. Que les salafs frappent les enfants pour le témoignage et pour les engagements. Naam. Hadha hu allazi akhadna al-yawm. Fa ila huna wa alhamdulillahi rabbil alamin.